rien à... Ah bah ouais, personne. Et tu perds ton time. Ce que je t'ai dit, je ne l'ai jamais pensé, je vais pas dans le détail. Oui, c'est dans le mur que tu fonces. Ce que je t'ai dit, ma chérie, je l'ai dit à d'autres filles. Miss veut un mister avec des paroles fiables. Oui, je le suis comme tous mes potos indiables. Je kiffe tes intimes, mais je te trouve un peu trop niaque. Mon cœur est dans le tiroir. Les clés, je sais plus où je les ai planquées. Tu parles de gosse, mais ce sera sans moi. Je penserai à ça quand je me serai rangé. Et pour l'instant, tu es nia nia. Donc je profite de la vida vida. Retour de flamme sera bizarre, bizarre. Mais pour l'instant, je m'en fiche. Tu es nia, je te fais cogiter comme les autres. Je suis pas nia, entre toi et moi, je slalom. Je suis pas nia, je sais que t'es là pour les loves. Tu es nia, je sais que tu parles à toutes les pingos. Oh, nia, tu n'as pas idée. Oh, nia, tu n'as pas idée. Je les voyais, t'as brisé mon cœur. Parfait. Je suis nia d'après toi, ouais. Plus jamais je t'harcèle, plus jamais je t'appelle, wow. Et pourtant ça devrait. T'es payé mon absence, je bégaye comme une sainte, wow. Sont en viva viva. Retour de flamme sera bizarre bizarre. Tu me ramènes que des ennuis. Je suis nia, je te fais cogiter comme les autres. Je suis pas nia, entre toi et moi je slalom. Je suis pas nia, je sais que t'es là pour les loves. Tu es nia, je sais que tu parles à toutes les filles. Oh nia, tu n'as pas idée. Oh nia, tu n'as pas idée. Oh nia, tu n'as pas idée. Oh nia, tu n'as pas idée. Nia, oh nia, je te fais du sale mais t'es nia. Tu me tends la perche, je la tire. Nia, nia, tu fais du sale, mais t'es nia, nia, oh, oh, nia, tu vas prendre cher, mon.